Mosaïque. Bonjour auditrices et auditeurs de la radio Isanganiro, bienvenue dans l'émission Mosaïque. Au mois de novembre, quatre anciens officiers militaires en retraite ont été arrêtés et plusieurs mandats d'arrêt internationaux ont été lancés contre les anciens dignitaires, dont l'ancien président Pierre Buyoya, dans le cadre de la réouverture des enquêtes sur l'assassinat du président Melchior Ndadaye, c'était le 21 octobre 1993. Après 25 ans, le parquet général de la République a jugé opportun de rouvrir ce dossier après que la partie civile n'ait pas été satisfaite du verdict. D'autres personnes ont fait savoir que seuls les exécutants ont été condamnés, laissant le doute sur les instigateurs de cet assassinat. Dans ce même dossier, des voix se sont fait entendre, arguant que la justice devrait faire preuve de patience en rappelant l'accord d'Arusha et le travail de la commission Vérité et Réconciliation sévère sur ce genre de dossiers qui font référence aux périodes sombres de l'histoire du Burundi. Dans Mosaïque d'aujourd'hui, nous cherchons à savoir l'impact de la découverte de la vérité sur cet assassinat ainsi que sur le processus de réconciliation au Burundi. Pour en parler, nous sommes avec trois invités. Nous accueillons dans Mosaïque professeur et honorable Évariste Ngaïmenda, historien et homme politique. Bonjour et bienvenue dans l'émission Mosaïque. Bonjour et je salue tous ceux qui nous écoutent. Nous accueillons également ambassadeur Bachanamo Anatole, chargé de la communication au parti FNL. Bonjour et bienvenue dans l'émission Mosaïque. Bonjour, je vous remercie de l'invitation et je salue également tous ceux qui nous écoutent. Nous sommes également avec honorable Sylvestre Bikolindagara, membre du parti Sawanya Frodebu, formation politique de feu, président Melchior Ndadaye. Bonjour et bienvenue dans l'émission Mosaïque. Bonjour et je vous remercie pour l'invitation et je salue tout le monde qui nous écoute. À la réalisation de cette émission, Jérôme Nyonzima, la technique est assurée par Albert Ndouayo, à l'animation de Mosaïque Pacifique Chubahiro. À vous tous à l'écoute de cette émission, nous vous souhaitons encore une fois la bienvenue. Mosaïque. Honorable Sylvestre Bikolindagara, au moment de l'annonce de la rouverture du dossier de l'assassinat de Melchior Ndadaye, le parti Sawanya Frodebu s'est réjoui et a même sollicité qu'il soit contacté pour fournir certains détails. Comment avez-vous apprécié cette rouverture? Se réjouir, c'est trop dire, parce que il y a eu des demandes formulées dans la note que le président du parti a annoncé au public, notamment que non seulement il y ait cette poursuite, mais aussi qu'il y ait d'autres poursuites pour donc concernant les crimes en cours ou dans le passé proche, je veux dire. Mais sinon, le parti Frodebu est un des partis qui a formulé un recours en justice. Et ce recours, je crois qu'il est pendant devant la Cour suprême jusqu'à présent. Donc, il y a, oui, jouissance, on s'est réjoui, mais il y a aussi une demande en plus de cette réouverture du dossier. Mais vous réclamez que même les crimes qui sont en train de se commettre, qui ont été commis il y a quelques années, soient poursuivis. Certains réclament aussi que les massacres qui ont suivi l'assassinat de Melchior Ndadaye fassent objet d'enquête dans le même cadre du dossier de Melchior Ndadaye. Mais bien entendu, tout peut être mis devant la justice parce que il faut éviter les deux poids deux mesures. Moi, je suis contre ceux qui se sont offusqués de l'ouverture de ce dossier parce que les gens devraient comprendre que ce dossier a été à l'origine de tous les malheurs que nous vivons pratiquement jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, ça serait dommage qu'on puisse uniquement poursuivre les auteurs ou les supposés auteurs de cet assassinat ou commanditaires sans même poursuivre les auteurs des autres crimes surtout ceux qui se commettent même actuellement. Mais tout ne pourra pas se faire en une seconde. Ne va pas se faire en une seconde, mais le cas de l'assassinat du président de la République et de ses proches collaborateurs. C'est un peu un cas particulier parce qu'effectivement, c'est un cas qui a été soumis devant les juridictions, donc qui doit normalement continuer son cours. Dès l'éclaircissement de celui-là, je crois que les autres procès, notamment les suites de cet assassinat, pourront être mieux appréhendés. Donc pour vous, c'est une suite logique du dossier qui est en appel jusqu'à la Cour suprême. Je peux juste regretter qu'il y ait eu tant de retard. Dans la poursuite de ce dossier. Et sinon, on y fait toujours référence à chaque fois qu'on commémore l'assassinat de son Excellence Melchior Ndadaye. Et tout cela fait un cumul de mémoires blessées, si je peux le dire ainsi. Professeur Évariste Ngaïmenda, honorable Sylvestre Bikolindagala parle d'un dossier qui est pendant au niveau de la Cour suprême. À l'annonce de la réouverture des enquêtes par le parquet général de la République, quel a été votre sentiment par rapport à ce dossier de l'assassinat de Melchior Ndadaye? Bien, par principe, le parti prenant a toujours été du côté de la justice. Donc, a priori, on ne peut pas dire qu'il n'est pas bon que la justice s'exerce. Cependant, je crois pouvoir dire que cette question avait été prise en charge par le processus de négociation qui a été sanctionné par l'adoption de l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi. Et ça figure, je crois, dans le protocole numéro 1, qui avait traité de la question du génocide, de l'exclusion des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, et ainsi de suite. Et l'accord lorsque avait... Lorsque vous dites que ça a été discuté, au fond, il y a eu une solution. Oui, il y a des principes qui ont été adoptés. Le principe, c'était que le Conseil de sécurité des Nations Unies devait mettre en place une commission d'enquête judiciaire internationale sur tous ces crimes. J'entends l'assassinat du président Melchior Ndadaye et de ses proches et les massacres qui ont été qualifiés d'allure génocidaire par une commission d'enquête dirigée par les Nations Unies. Et au terme de ces investigations, il était attendu que, dans le cas où la dite commission aurait conclu à l'existence des crimes de génocide, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, le même Conseil des Nations Unies allait mettre en place un mécanisme judiciaire. C'est ça qui a été convenu. Et dans un début de mise en œuvre de ce qui avait été convenu, vous savez que, ok, j'ai cru savoir que ce dossier avait fait objet d'un jugement. Maintenant que le Frodebout, la partie civile, ait estimé que le jugement n'était pas satisfaisant ou était tronqué et que donc il fasse appel, c'est tout à fait de son droit. Mais je crois savoir que dans la mise en œuvre des mécanismes convenus à l'accord d'Arusha, il avait justement été convenu d'attendre la mise en place de son mécanisme judiciaire. Et c'est dans ce cadre qu'on avait même libéré des gens déjà arrêtés, déjà jugés, qui purgeaient leur peine en attendant justement que son mécanisme soit mis en place. Que d'autres dossiers en instruction avaient dû être suspendus. Et c'est un peu plus tard... Bon, qu'il y a eu beaucoup de péripéties, je ne reviens pas, je ne les ai d'ailleurs pas toutes en tête. C'est plus tard qu'il avait été mis en place une commission vérité-réconciliation. Je dois d'ailleurs dire en passant que cette commission vérité-réconciliation avait été préconisée dans le cadre des mesures d'ordre culturel. Mais sinon, les mesures d'ordre juridique c'était plutôt arrêté à une commission d'enquête judiciaire internationale sur les crimes de génocide, crimes de guerre et crimes contre l'humanité et la mise en place d'un tribunal pénal international par le Conseil de sécurité des Nations Unies au cas où la commission aurait conclu à l'existence de ces crimes. Du moment alors, qu'on a la CVR, est-ce que vous pensez que les deux organes pourront un jour avoir... C'est ça que je suis en train de t'expliquer. L'accord d'Arusha avait effectivement prévu quelque part une commission nationale pour la vérité et la réconciliation. avec un objectif plus ou moins culturel de réconciliation. Mais l'évolution qui a suivi, surtout depuis l'avènement du pouvoir CNDD-FDD, c'est qu'on va tout doucement en s'éloignant de son mécanisme judiciaire. Ok, on en prend acte. Maintenant, si le pouvoir actuel estime devoir revenir sur ce dossier et donc réactiver les mécanismes judiciaires, le parti prenant n'a rien contre. Mais il dit, voilà, il y a des gens qui sont connus, qui avaient été condamnés, qui purgeaient déjà leur peine. Eh bien, le même pouvoir qui veut renouer avec la justice, qui veut lutter contre l'impunité d'après ce qu'il nous dit, n'a qu'à aller arrêter ces personnes-là qui purgeaient déjà leur peine. N'a qu'à poursuivre les dossiers dont l'instruction n'a pas continué, notamment en rapport avec ces massacres dans les génocides. Et bien évidemment, tous les autres crimes qui ont continué, qui continuent même aujourd'hui. Mais sinon, si on s'arrête uniquement au jugement des putschistes et des assassins du président Melchior Ndadaye, en ignorant les autres crimes, eh bien, il y aura eu un deux poids deux mesures. Et là, tout simplement, je crois que l'opinion, aussi bien nationale qu'internationale, s'empêchera de penser à un règlement de compte, un simple règlement de compte, et qui échappera difficilement d'ailleurs à une accusation de règlement de compte ethnique. Oui, mais dans la formation politique de Melchior Ndadaye, on est d'accord que tout ce qui est en rapport avec cet assassinat, et surtout la suite des massacres qui s'en sont suivis, que ça puisse faire objet d'enquête. Je passe la parole à l'ambassadeur Bachanamo Anatole. Au niveau du parti FNL, comment avez-vous accueilli la rouverture du dossier de l'assassinat de Melchior Ndadaye? Au parti FNL, nous nous sommes clairement réjouis de l'ouverture de ce dossier des assassins du président Melchior Ndadaye. Parce que vous êtes d'accord, beaucoup de gens sont d'accord que l'instruction qui avait été déjà faite était arrivée à des conclusions ridicules. Imaginez-vous arrêter des hommes de troupes, officiers subalternes, rarement, alors que le crime qui a été commis à l'endroit de Ndadaye et ses collaborateurs s'est visiblement organisé au niveau des instances de ce que je peux appeler l'institution militaire de l'époque. Donc nous réjouissons beaucoup que cette instruction soit réouverte maintenant. J'ajouterai aussi que les pouvoirs qui se sont succédés n'avaient pas, à mon sens, assez d'autorité pour instruire un tel dossier. Actuellement, nous espérons que l'institution judiciaire actuelle pourra fonctionner normalement. Et je dirais aussi qu'il y a eu arrestation de 4 officiers supérieurs, 11 mandats envoyés. On peut dire que ceux qui sont arrêtés sont présumés innocents, en principe. Mais beaucoup de gens, moi y compris, au parti FNL, nous pensons quand même qu'au niveau de l'assassinat du président Ndadaye, il y a ce qu'on peut appeler flagrance. J'ai suivi dernièrement les déclarations de celui qui était présenté comme le chef de l'État par les putschistes, qui se disait que... François Nguézé. Monsieur François Nguézé disait qu'il a été otage. J'ai aimé beaucoup sa déclaration. Très sincère, il a dit, moi j'étais otage. Vous avez vu comment j'étais en pyjama. Et donc, comme il était otage, il connaît bien les gens qui l'ont pris en otage. Ce ne sont pas les simples soldats. Il connaît bien celui qui avait envoyé. Et je pense qu'il va donner des éclaircissements. Ça, c'est le travail de la justice. On ne peut pas s'y mêler. Mais professeur Évariste Ngaïmenda a souligné qu'il est toujours d'accord que la justice fasse son travail, mais que l'accord d'Arusha avait prévu des mécanismes pour toucher sur ces dossiers tellement sensibles, notamment une commission d'enquête et un tribunal spécial. À votre avis, l'affaire de l'assassinat Melchior Ndadaye devrait suivre ces principes déjà fournis par l'accord d'Arusha? Au parti FNL, nous portons un faux contre cette sorte d'auto-amnistie des partenaires d'Arusha. Parce que les faits sont tellement graves qu'un simple accord ne peut pas résoudre une telle question. Bien sûr, il y a une commission d'enquête internationale qui est arrivée à des conclusions, je dirais contestables, puisque cette commission n'a pas eu le temps d'interroger les témoins. J'ai lu son rapport, c'était un rapport biaisé. Mais je pense qu'au moment où biaisé nous sommes... Biaisé à quel niveau, par exemple? Biaisé au niveau des conclusions. C'était des conclusions qui étaient inacceptables. Et moi, je l'ai lu dans l'œil à large. Et d'ailleurs, je fais partie du groupe qui avait écrit, nous avons écrit un contre-rapport de cette commission. En quoi vous vous opposez, justement? Parce que cette commission n'est pas parvenue à démêler les vraies questions. J'ai dit tout à l'heure que la question d'assassinat du président Dadaye est à mettre dans le domaine de la flagrance. Les conséquences qui ont suivi cet assassinat, il y a bien sûr beaucoup de monde qui ont été tués ici et là dans le pays, mais moi je mets tout ça sur le dos de celui qui a commis ce coup d'État. Ça c'était la cause directe de ces assassinats qui ont eu lieu à travers tout le pays. Mais si vous êtes d'accord que le dossier sur l'assassinat de Mekion Dadaye soit poursuivi ou suive son cours normal au niveau de la Cour suprême, est-ce que vous êtes aussi d'accord que les massacres qui ont suivi l'assassinat de Mekion Dadaye soient instruits et les auteurs punis de la même façon que les auteurs qui ont assassiné Mekion Dadaye? Bien sûr, au niveau du parti FNL, nous sommes contre l'impunité, d'où qu'elle vienne. Si nous, maintenant le dossier a été ouvert contre les assassins, les présumés assassins du président Dadaye, c'est normal que ceux qui ont commis des crimes au niveau du pays soient poursuivis. Mais je viens d'ajouter qu'à mon avis, l'assassinat de Dadaye est la cause directe de ces autres massacres qui ont suivi. Et celui qui avait fait le putsch, donc qui avait l'institution militaire et policière et sécuritaire à ses mains, est responsable aussi des massacres qui ont suivi. Mais cela n'absout pas ce qui aurait eu, disait-elle, dans un massacre des populations innocentes. Ça, nous sommes tout à fait d'accord qu'il faut des poursuites. Honorable Sylvestre Wikoindagara, lorsque professeur Evariste Ngaïmenda parle des mécanismes déjà arrêtés au niveau de la cour, de l'accord d'Arusha, et qu'on se rappelle bien que l'accord d'Arusha, ça nous rappelle deux groupes, le G7 et le G10, et que le Frodebo était à la tête du G7. Est-ce que vous êtes toujours fervent défenseur de l'accord d'Arusha par rapport à ces deux mécanismes fournis sur ce dossier de l'assassinat de Mekion Dadaye? Absolument. Nous défendons toujours l'accord d'Arusha. Mais à propos de la commission Vérité et Réconciliation, nous devons constater une chose. Elle n'a pas pu être mise en place à temps. Et par ailleurs, dans l'esprit de l'accord d'Arusha, même si je n'étais pas là, cette commission avait pour mission essentielle de pouvoir donc trouver la vérité, bien sûr, mais aussi soumettre les auteurs des crimes à la justice afin de parvenir à la réconciliation. Mais par la suite, apparemment, c'est comme si on a fait un mouvement inverse. On a commencé par la commission au lieu de commencer par la commission d'enquête et après le tribunal spécial. Et en fait, cheminer vers la sévère. Il y avait des processus, des étapes pour y arriver à la commission. Et d'après ce que j'ai appris, cette commission devait être mise en place par convenance entre l'ONU et le gouvernement burundais pour s'assurer de sa neutralité et de son efficacité, bien sûr. Mais par après, évidemment, il fallait aussi trouver les moyens de le faire fonctionner. Il fallait aussi penser aux mécanismes de compensation envers les victimes pour enfin arriver à une vraie réconciliation. Il y avait des défis à cela. On se disait, mais comment est-ce que la justice burundaise va pouvoir juger des gens qui sont au pouvoir et au gouvernement, des gens qui sont au sein des partis qui sont au gouvernement. Il y avait au moins les deux grands partis, le Frodebo et l'UPRONA. Toutes ces questions, je crois, ont fait qu'on devait négocier absolument une véritable commission où tout le monde se trouve. Mais il y a un peu un hic. Heureusement que vous êtes juriste. Du moment que ça a été décidé comme ça à Arusha et qu'il y a plusieurs années après la signature de cet accord, est-ce que l'accord n'a pas eu un effet suspensif, par exemple, par rapport à ce procès qui était déjà pendant au niveau de la Cour suprême? Comme le dit l'ambassadeur Anatole, hein, je ne sais pas si on a bien... on a spécifiquement précisé donc le cas de l'assassinat de président Melchior Ndadaye et de ses proches collaborateurs, parce qu'on tend souvent à l'oublier. C'était pratiquement, je dirais, si on analyse de près, on pourrait même y conclure un peu à un crime contre l'humanité, parce que avoir le nombre de responsables assassinés en un si court temps, le président, à savoir le président de la République, le président de l'Assemblée nationale, qui aurait pu lui succéder, suivant la Constitution, le vice-président de l'Assemblée nationale, le ministre de l'Intérieur et le chargé de, le responsable de services de renseignement. Et dans la même foulée, des gouverneurs de province, on tend à les oublier souvent, celui de Karusi et de Gitega. Un peu plus tard, celui de Kirundo et de Bobanza. Donc, on pourrait probablement arriver à qualifier ce crime autrement. Donc, dire que celui-là devrait relever nécessairement de la commission Vérité et Réconciliation, ça pourrait aussi changer. Mais j'ai dit aussi que ce crime-là a été à l'origine des crimes qui se sont commis par la suite. Des crimes qui ne sont pas nécessairement, dont les auteurs ne sont pas nécessairement bien connus, comme le cas de l'assassinat de président Ndadaye. Donc, dire qu'on doit attendre, encore que, au vu des difficultés que j'ai énumérées, donc négocier avec l'ONU, trouver les moyens, on pourrait attendre longtemps encore. J'ai dit au début que nous regrettons que ce processus de mise en place de la CVR a été très retardé. Après, au moins, l'arrivée au pouvoir du parti donc du CNDD-FDD depuis 2005. Ils avaient les pleins pouvoirs, c'était un régime élu qui aurait pu continuer ou donc mettre en place tous ces mécanismes qui étaient prévus à Arusha. Ben, c'est très dommage, ce même parti, je l'ai souvent entendu, par principe, il n'était pas d'accord avec l'accord d'Arusha. À vous entendre, comme la commission et le tribunal tardent à venir ou à trouver consensus entre politiciens et au gouvernement à Nations Unies, au moins qu'on puisse au moins bénéficier d'un procès normal sur l'assassinat de Melchior Ndadaye. Parce que ce procès avait déjà été entamé. Il est pendant devant la Cour suprême, je l'ai dit. Je passe la parole à professeur Évariste Ngaïmenda. Vous venez d'écouter le représentant du parti Savoyna Frodebo sur sa position par rapport à la commission et au tribunal spécial. Il dit que le temps qui vient de passer finalement risque de nous faire perdre de l'espoir par rapport à ces deux mécanismes. Pensez-vous qu'il faudrait toujours attendre ces deux mécanismes pour parler du dossier de l'assassinat de Melchior Ndadaye? D'abord, je voudrais revenir sur une considération qui est partagée par mes deux collègues, mais que personnellement je ne partage pas. Je n'ai jamais cru qu'on pouvait présenter les massacres d'allure génocidaire qui ont eu lieu juste après l'assassinat de Ndadaye, pourquoi pas concomitamment. Bon, on n'a pas encore toute la vérité, comme étant une conséquence directe. Je pense que quelque part, bon, c'est un peu une instrumentalisation de ceux qui ont commis ces actes, mais c'est aussi une façon de les disculper. Évidemment, si la justice pouvait faire son travail, on verrait très bien quel lien faire entre cet assassinat et les massacres qui ont suivi. Mais je crois savoir que d'après les quelques jugements qui avaient déjà eu lieu, je crois que ces massacres avaient été bel et bien préparés. Ça, c'est une première considération. Deuxième considération, je reviens sur ce qui avait été convenu. D'abord, rappelons-nous que les négociateurs d'Arusha s'étaient mis d'accord, après une analyse partagée, que après l'indépendance, des actes de génocide, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité avaient été commis contre les communautés ethniques Hutu et Tutsi. Et c'est donc par rapport à ça qu'ils s'étaient mis d'accord de mettre en place une commission d'enquête judiciaire internationale devant enquêter sur les actes de génocide, les crimes de guerre, crimes contre l'humanité par le Conseil de sécurité des Nations Unies. et que si cette commission devait conclure sur l'existence de ces actes, que le même conseil devait mettre en place un tribunal pénal international chargé justement de connaître de ces crimes. Comme Bikoni Ndagara l'a dit, au vu du nombre de morts qui ont accompagné l'assassinat du président Melchior Ndadaye, je vois mal comment ça pourrait échapper à cette accusation de crime contre l'humanité. Et c'est pour ça que justement les négociateurs d'Arusha avaient mis dans le même sac et l'assassinat du président Ndadaye et de ses collaborateurs et les actes de génocide qui avaient suivi dans le même sac. La Commission nationale pour la vérité et la réconciliation, qui est prévue par l'accord d'Arusha, est différente de celle qui est là aujourd'hui, parce que c'était une commission, elle, chargée d'enquêter aussi sur les violences et les crimes graves, mais pas les crimes de génocide, pas les crimes contre l'humanité. Cela dans le but de clarifier l'histoire, dans le but de réconcilier le peuple burundais. Mais j'ai comme impression, effectivement, qu'on tend vers ignorer la nécessité d'une démarche judiciaire et on veut justement nous entraîner vers un semblant de réconciliation. En même temps que de l'autre côté, on dit voilà, mais quand même, les assassins du président Ndadaye doivent être jugés. Mais écoutez, comme si c'était un cas à part. Comme si c'était un cas à part. Et comme si les autres crimes ne devaient pas être jugés. L'honorable Bikoni Ndagara vient d'évoquer la question des moyens, la question aussi, effectivement, je suis d'accord avec lui, la difficulté à juger des gens qui sont au pouvoir. Ça, c'est réel, au Burundi comme ailleurs. Maintenant, c'est justement en tenant compte de cette possibilité, de cette difficulté qu'on avait pensé à un mécanisme judiciaire international. Comment aujourd'hui les victimes pressenties d'une justice qui semble être une justice à sens unique seront-ils sécurisées par rapport à la démarche qui est initiée? Nous sommes avec un pouvoir qui est là depuis 13 ans. Quand il est arrivé, l'accord d'Arusha venait de faire 5 ans. Donc vous déjà êtes contre par rapport à la position d'ambassadeur Bachanamo qui dit que maintenant le pouvoir a les moyens pour faire justice. Et l'autorité nécessaire. Bon, ça c'est son jugement. Je n'ai jamais cru qu'il avait la légitimité nécessaire parce qu'on sait ce que c'est. Ce pouvoir, il est là depuis 13 ans. Est-ce que mon ami Bachanamo pourrait me dire qu'il a plus de légitimité, plus de moyens, plus d'autorité qu'il n'avait en 2005. Ce pouvoir venait de renouveler et le mandat et les missions et la composition de la commission Vérité et Réconciliation. Évidemment, une commission Vérité et Réconciliation qui est davantage à l'image du pouvoir que la première. Ça, on ne peut que le noter. Ce pouvoir est quand même de plus en plus accusé de violations graves des droits humains. Est-ce que c'est maintenant qu'il a réellement... Bon, qu'il me dise qu'il a le pouvoir nécessaire, bon, je n'en disconviendrai pas. Il a tout l'appareil répressif à son service. Si c'est ça qu'il appelle les moyens, là, je concède. Mais si, en termes de moyens, on doit aussi comprendre la légitimité et la crédibilité au vu de l'image qu'il projette aujourd'hui vis-à-vis des Burundais, vis-à-vis de la sous-région et vis-à-vis de la communauté internationale, je pense que ce n'était vraiment pas le moment, surtout que nous sommes dans un contexte d'un pouvoir absolument monopolisé. Mosaïque. L'émission, c'est Mosaïque. Dans Mosaïque d'aujourd'hui, nous échangeons autour de l'impact de la découverte de la vérité de l'assassinat du président Melchior Ndadaye sur le processus de réconciliation au Burundi. Nous sommes dans ce studio avec trois invités. Professeur et honorable Évariste Ngaïmenda, historien et homme politique. Ambassadeur Bachanamo Anatole, chargé de la communication au parti FNL. Honorable Sylvestre Bikoni Ndagara, membre du parti Sahwanya Frodebu. Formation politique de feu, président Melchior Ndadaye. Ambassadeur Anatole Bachanamo, lorsque vous dites que le pouvoir actuel a les moyens et la capacité ainsi que la légitimité pour juger de tels cas, notamment le dossier de Mekionda Daï. Est-ce que vous pensez également que juger ou faire justice par rapport à ces dossiers, ça renforce la réconciliation des Burundais? L'ouverture du dossier des assassins d'Onda Daïe renforce bien sûr la réconciliation nationale parce que, premièrement, il ne faut pas qu'il y ait solidarité négative. Les assassins d'Onda Daïe sont données, déterminées et connues au niveau des commanditaires. J'ai regardé les mandats d'arrêt qui ont été lancés, j'ai regardé ceux qui sont déjà arrêtés. Je trouve que c'est une démarche pertinente. Je dirais même que ça réconcilie les Burundais, puisque à un certain moment, il y a des groupes qui se disaient Ndadaye a été tué par l'armée Tutsi, on disait même régionale. C'est le moment justement de mettre le doigt sur les criminels qui, pour le moment, sont présumés innocents, faire une vraie instruction et arrêter les coupables. Ça, c'est clairement un acte de réconciliation parce que ça va démêler les choses. Et maintenant, vous dites qu'il y a la commission vérité et réconciliation, il y a la commission d'enquête internationale qui ont été instituées par Arusha. J'y reviens aussi un peu parce que tout à l'heure, j'ai entendu l'honorable Bikolinda Ndagara avec qui nous sommes tout à fait d'accord que le cas de l'assassinat de Dadaï est un cas vraiment à part au vu des conséquences en termes de perte en vie humaine qu'il a entraîné. J'ajouterai aussi que c'est lui qui avait pris le pouvoir, sachant qu'il y avait risque que les populations se rentrent dedans, aurait dû prévoir un mécanisme de protection de la population. Mais apparemment, ce n'était pas son objectif. Je dirais même que le fait qu'il y ait eu tant de massacres dans le pays est devenu ingouvernable pour préparer un retour de celui qui est revenu au pouvoir, moi je pense quand même que c'est un peu machiavélique. Et dire aussi que le parti actuel au pouvoir a assez d'autorité pour s'occuper d'un tel dossier, je suis également d'accord et pour moi c'est le bon moment. Professeur Evariste Ngaïmenda parle des crimes qui se commettent aujourd'hui et qui prouvent que c'est difficile de croire au pouvoir actuel pour mener une bonne justice par rapport à ces dossiers qui divisent politiquement la classe politique. Évidemment, il y a beaucoup de dossiers. Il y a beaucoup de dossiers qui peuvent être ouverts, mais chaque dossier peut être ouvert en son temps. Maintenant qu'il y a ouverture du dossier des assassins de Dadaï, c'est de ce dossier dont nous parlons. D'autres dossiers pourront également être ouverts au moment opportun. Et vous disiez aussi que le parti, je ne suis pas porte-parole du parti au pouvoir bien sûr, mais vous dites que ça fait 13 ans qu'ils sont au pouvoir. Vous savez, quand vous prenez le pouvoir, il y a des priorités. La première priorité, c'était de renforcer le pouvoir. Maintenant, on en arrive à d'autres priorités. Et la poursuite des assassins de Dadaï est pour moi aussi une grande priorité. Mais le pouvoir actuel ne pouvait pas commencer par ce dossier parce qu'il y avait d'autres défis d'importance également. Honorable Sylvestre Kolindagara, il y a professeur Evariste Ngaïmenda qui dit qu'il faut absolument recourir à l'accord d'Arusha, mais également veiller à ce qu'un tel dossier ne soit pas source de conflit parce qu'on sent que le pouvoir voudrait évoluer à contre-courant en faisant fi de ce qui a été décidé à Arusha. Quelle est votre analyse? Nous sommes d'accord qu'il faut tout recourir au contenu de l'accord d'Arusha. Nous sommes d'accord, mais les moyens d'y arriver, notamment pour mettre en place une véritable commission vérité-réconciliation, donc qui répond aux exigences de ce qui a été convenu à Arusha. Ça, nous sommes d'accord. Nous sommes aussi d'accord, je suis aussi d'accord que, parce qu'on l'a dit dans la déclaration du parti Sahwanya Frodebu, que pour éviter... Et ce n'est même pas pour éviter des rancœurs, de la justice à un sens, comme l'a dit le professeur. Nous avons expressément recommandé au gouvernement de poursuivre aussi les auteurs des crimes qui se commettent actuellement, depuis même quelques années. Et je ne suis pas d'accord avec l'ambassadeur Anatole qui dit qu'il y a d'autres priorités, que la priorité est de renforcer le pouvoir. Mais on le renforce comment? Le pouvoir, ça se renforce justement. Le pouvoir, surtout que les gens au pouvoir actuel étaient d'anciens rebelles, donc ils s'étaient sentis exclus. Donc, ils auraient pu commencer par le rétablissement d'une justice pour tous. Donc, notamment en poursuivant les criminels des flagrances, comme il a dit. Parce qu'il y en a, ils se commettent tous les jours. Sinon, cela risque effectivement, comme vous l'avez dit, ou comme le professeur l'a dit, de croire qu'il y a une justice à une vitesse, ou à deux vitesses, ou à un sens. Mais le problème, c'est que dans la plupart des cas, le parti Sahrawi Fodeba, en tant que parti d'opposition, vous énumérez des fautes, des manquements par rapport à ce qui est fait par le gouvernement actuel, et que parmi ces manquements, vous ajoutez notamment le manque d'indépendance de la justice. Aujourd'hui, professeur Evariste parle d'inquiétude par rapport à une justice véritable et indépendante. Aujourd'hui, par rapport à ce dossier, le parti Sahrawi Fodeba est convaincu que la justice sera indépendante. Non, nous avons une recommandation à ce sens. C'est de renégocier donc la mise en place d'une commission vérité et réconciliation. Et non pas une commission pardon réconciliation. Nous, nous sommes pour la justice. Parce qu'apparemment, même si je n'ai pas le texte ici, le pouvoir aurait orienté la commission, l'émission dans ce sens. Nous regrettons aussi, bien sûr, le fait qu'ils aient donné à la commission la mission, dans le temps, je veux dire, d'aller commencer des enquêtes dont nous n'avons même pas besoin, à commencer 1850. Mais avec ça, vous pouvez être sûr qu'on n'aura jamais de rapport. Et en tout cas, ceux à qui il sera destiné ne seront même plus là, ici, je crois. Ça dépendra du temps qu'on va donner à la CVR. Mais on va donner le temps qu'il faut. Donc, nous sommes pour la renégociation de la mise en place d'une CVR conforme à l'accord d'Arusha et aux recommandations qui avaient été prévues, des consultations populaires. Mais je dois revenir sur le cas de l'assassinat d'Ondadaï, donc, qui est un peu particulier. C'est un coup d'État qui a été fait, on connaît plus ou moins les auteurs, ou le groupe d'auteurs où ils se trouvent. Et ça a été, même si le professeur Ngaïm Hendago veut dire que tout a été planifié, ces actes de génocide. Il a parlé des actes d'allure génocidaire, comme le disent certains rapports, mais je dois lui le tranquilliser, il n'y avait rien de planifié. Et je suis certain qu'il faudrait aussi qu'il regarde un peu l'atmosphère, l'environnement dans lequel nous étions. On venait des élections où tout le monde était enthousiaste, on venait d'élire. Non, quand même, rien n'était planifié. Mais on ne va pas continuer dans cette discussion. C'est à la justice. C'est à la justice. Mais c'est pour dire que le cas de l'assassinat d'Ondadaï et de ses proches collaborateurs ne devrait pas nécessairement attendre commission vérité et réconciliation. Sinon, on attendra toujours. Rendre le verdict final sur l'assassinat du président Melchior Ndadaye, pensez-vous que ça aura un impact positif sur le processus de réconciliation? Non, je le répète, on doit aller de pair avec la poursuite des autres actes criminels qui se commettent aujourd'hui. Je ne dis pas nécessairement les actes qui ont été commis pendant ce que j'appelle la guerre civile, parce que là, ça peut être un peu flou. Mais aujourd'hui, on dénonce toujours des assassinats, des crimes, etc. Personne n'est poursuivi. Et même ceux qui sont nommément pointés du doigt. C'est là où on doit revenir sur, donc penser à cette justice pour tous. Les cas de massacres interethniques, pour moi, ils peuvent, parce que plus compliqués, ils peuvent faire l'objet d'une sévère bien mise en place et aux objectifs bien précis et limités dans le temps, comme c'était à l'accord d'Arusha. Je passe la parole à professeur Evariste Ngaïm. Dans quelle mesure une affaire comme le dossier de l'assassinat de Melchior Ndadaye peut-elle influencer le processus de réconciliation au Burundi? Je ne voudrais pas aller sur ce terrain. Je suis sur le terrain de la justice. Dans une société, dans un pays, il y a justice ou il n'y a pas. Et dès lors qu'il y a justice, cette justice, c'est pour tout le monde. Il y a la justice quand elle est réellement juste, quand elle est équitable, quand elle s'applique à tous. Maintenant, quel résultat débouche sur la réconciliation, sur autre chose? Bon, ok, ça peut c'est faire une autre objet étape dans notre débat. Mais là, je suis d'abord sur la justice. Aussi grave que soit le dossier de l'assassinat du président Melchior Ndadaye, je ne vois absolument aucune raison qu'il soit jugé et que les autres crimes de la même époque ou qui ont suivi ne soient pas jugés et attendent quoi que ce soit, attendent la commission. Non, il y a des gens qui demandent aussi que la justice leur soit rendue et il y a des cas qui avaient été déjà jugés et qui purgeaient leur peine. Et en principe, c'est plus facile que ceux qui purgeaient leur peine soient rappelés, puisqu'on nous dit vouloir lutter contre l'impunité. C'est plus facile d'arrêter de nouveau ceux qui purgeaient déjà leur peine que d'instruire le dossier. Ça irait beaucoup plus vite parce qu'eux étaient déjà condamnés. Maintenant, dire qu'on attendrait longtemps si on attendait la justice internationale, ce n'est pas vrai. La justice internationale, si elle était sollicitée, elle viendrait. Parce que déjà, ce dossier qui relevait de la justice transitionnelle avait été confié au gouvernement de transition. Le gouvernement de transition ne l'a pas pu. Bon, je ne connais pas ses raisons, il a peut-être ses raisons. Le gouvernement actuel, qui est là depuis 13 ans, l'ambassadeur nous dit qu'il y avait d'autres priorités. Ça quand même. Voyez, listez tous les dossiers qu'il a eu à traiter dans tous les secteurs. Je ne crois pas que vous en trouverez qui soit plus important que le jugement de ces crimes. Tout simplement, la question c'est laquelle? La question c'est que l'objectif il est ailleurs. L'objectif il est beaucoup plus politique qu'autre chose. Et même ceux qui félicitent l'initiative, je ne suis pas sûr que, bon, l'objectif il est ailleurs. Et c'est ça qui justifie qu'on rouvre le dossier 13 ans plus tard. Mais si au moment où le gouvernement est dans les difficultés que l'on connaît, c'est, comme le disent certains, c'est pour orienter l'attention de l'opinion tant nationale qu'internationale ailleurs. C'est pour créer des solidarités qui, autrement, risquaient de s'estomper. Est-ce que c'est ça la réconciliation nationale? Sera-t-il ce jugement, va-t-il aider à la réconciliation nationale ou à la mobilisation? Là, il y a la. À la mobilisation par rapport à quoi? À la mobilisation par rapport à ce que ce dossier sait et à ce que la fermeture d'autres dossiers dessert. Bien, revenons quand même sur ce malentendu sur le lien à faire entre cet assassinat et les massacres qui ont suivi. Justement, si le procureur se présente et dit chronologiquement, on va suivre d'abord, poursuivre le dossier par rapport à l'assassinat de Melchior Ndadaye et par après, on pourra franchir une étape. Ça répond à quoi cette histoire de chronologie? Il y a une cour qui s'occupe de cet assassinat. Il y a des cours partout. Donc, ça veut dire que les autres croisent les bras. Les autres cours sont fermés et on attend que le dossier soit jugé. Et puis, on ouvrira le dossier contre X, après contre Y, après. Quand même, il y a assez de tribunaux dans le pays. Je n'ai jamais entendu un cas où on dit, voilà, on va d'abord s'occuper des autres dossiers. Et puis, on en viendra aux autres. Et quel est ce critère d'établissement de la hiérarchie? Il y a des gens qui ont perdu les leurs dans les conditions que tout le monde connaît. Dans les conditions que je connais, j'avais quand même près de 40 ans, j'avais plus de 35, j'avais 35 ans, je sais ce qui s'est passé. Ces crimes qui se commettent partout, au même moment, au même leitmotiv, du nord au sud, au centre, à l'est, à l'ouest, avec les mêmes instruments, et on nous dit que ça n'a pas été préparé. Bon, que monsieur l'honorable Colin Dagara y croit. Il s'est également réservé, je le respecte mais bon, je suis convaincu de toute façon les gens parlent aussi, les documents parlent aussi, les faits parlent. Je ne crois pas que ça soit si spontané que ça, parce que je parle du principe que les militants du Front debout, ce sont des humains qui pensent, qui réfléchissent, ce ne sont quand même pas des gens qui fonctionnent mécaniquement pour que, au même moment, ils se lèvent, quelles que soient les circonstances. Rwagasore a été assassiné. Le premier ministre Nyanandoumou a été assassiné. On n'a pas vu pareille réaction. Je ne crois pas qu'ils étaient moins populaires. Et puis, avant l'assassinat, il y avait quand même saturation. On était dans un contexte absolument saturé. On le sait. On s'en souvient. Voilà. Tant que vous avez la parole, il nous reste quelques minutes pour cheminer vers la fin de cette émission. Honorable professeur Évariste Ngaïmenda, du moment qu'on a des inquiétudes par rapport au travail de la justice sur certains dossiers brûlants et qui ont marqué l'histoire sombre du Burundi, comment la justice pourrait s'y tenir afin de favoriser la réconciliation au Burundi? Écoutez, je vais être extrêmement bref. Je ne voudrais pas être un prophète de malheur, mais j'ai énormément de doutes sur la volonté réelle et les capacités réelles de la justice burundaise aujourd'hui. Ambassadeur Bachanamo Anatole, aujourd'hui vous soutenez que le pouvoir actuel a tous les moyens et le temps pour se consacrer au dossier, notamment celui de l'assassinat du président Melchior Ndadaye. Mais d'un autre côté, on a cette aspiration vers la réconciliation nationale. Comment la justice pourrait travailler sur ces dossiers et en même temps favoriser la réconciliation burundi? La justice sera un outil de réconciliation s'il arrive à faire de l'équité au niveau, bien sûr, des jugements. Ici, je viens d'entendre mes deux collègues, y compris l'honorable Bikori Ndagara, qui disent que la justice actuelle laisse passer des tueries qui se commettraient, je dis au conditionnel, qui se commettraient actuellement à travers le pays. Moi, j'aimerais qu'on me donne, c'est sérieusement, j'aimerais qu'on me donne des données statistiques, que si effectivement il y a des massacres qui se commettraient et que les auteurs ne seraient pas poursuivis, ce serait un manquement grave. Mais d'après mes propres observations, je peux me tromper, je ne pense pas vraiment qu'au Burundi, il y a beaucoup de massacres qui sont en train de se commettre. Quelques peu peut-être. Personnellement, j'apprends ici là, qu'il y a quelqu'un qui a été tué et j'apprends aussi qu'il a été arrêté. Je vous donne l'exemple de l'officier qui a tué sa femme et son enfant. Il a été directement arrêté. Si vous connaissez, moi personnellement, si j'apprenais un tueur qui se balade en flagrant délit, moi je le dénoncerai. Si jamais la justice n'arriverait pas, moi je mets toujours au conditionnel, à s'occuper des crimes qui se commettraient, ce serait un manquement grave, je le répète. Mais j'ajoute aussi que l'instance judiciaire actuelle a assez d'autorité pour s'occuper d'un dossier aussi important que le dossier de l'assassinat du président Ndadaye. Et j'ajoute, et là, vraiment, j'en suis tout à fait convaincu que les massacres qui ont suivi l'assassinat de Ndadaye n'étaient pas préparés. Quel pouvoir en place, parce que c'était le Frodo qui était en place, préparerait alors qu'il est en place. Je voudrais qu'on ne s'y attarde pas, parce que ça, c'est un travail de la justice. C'est un travail de la justice, mais quand même, je voudrais que les versets t'équivoquent. Il n'y a pas eu de préparation, sinon je le saurais parce que j'étais au service de l'enseignement du Burundi à cette époque. Justement, vous n'avez pas encore répondu à ma question. Pour favoriser la réconciliation sur d'autres dossiers, que doit faire la justice? Vous avez parlé d'équité. Et aujourd'hui, vous rassurez professeur Évariste Ngaïmenda que cette équité est déjà pressentie au niveau du FNL. C'est déjà vraiment pressenti. Parce que dans le cœur de beaucoup de Burundais que je connaisse, tout le monde se disait, mais est-ce que les assassins de Ndadaye vont continuer à courir? C'est vraiment un très bon exemple que ce dossier ultra sensible soit mis en premier lieu. J'estime aussi que d'autres dossiers seront ouverts, mais je pense que c'est très bien parti. Honorable Sylvestre Bikori Ndagara, au niveau du parti Sawanya Frodebu, par rapport au travail de la justice, notamment sur le dossier de l'assassinat de Melchior Ndadaye, qu'est-ce que vous recommandez à la justice pour en vue de favoriser une réconciliation entre Burundi? Tout simplement qu'il y ait un procès équitable, juste, indépendant, et que donc le présumé coupable, et notamment la garantie donc de la défense, mais aussi être traité dignement. Moi, je vais vous dire par exemple, prendre 13 ans après, comme on l'a dit, on émet des mandats où on va arrêter des personnes qui sont ici. Qu'est-ce qui aurait empêché, par exemple, qu'on les laisse tranquillement à la maison et on a suffisamment de policiers pour les garder, parce qu'il y en a même qui sont gardés sans être criminels, et poursuivre l'instruction? Ça aurait été un peu plus de dignité, parce qu'ils sont ici depuis du moins que le pouvoir en place est sur place. Depuis 2005, il y en a même qui ont occupé d'autres fonctions de la République. C'est là un peu qui me gêne. C'est ça qui me gêne un peu. J'ai regretté le retard qui a été mis dans la mise en place, donc dans la poursuite de cette instruction, après la mise en place du gouvernement issu des élections de 2005. Il avait toutes les prérogatives. Avec les gouvernements de transition, à la limite, on pourrait dire... On pourrait donner des excuses, parce qu'ils n'avaient pas tous les pouvoirs. Et puis, chacun avait là encore une année et demie, je crois. Et puis, il y avait encore des rébellions. Donc, vous voyez, mais avec vraiment un pouvoir de 2005. Et on crée une commission, je crois, en 2014. 9 ans après, c'est tout comme, on peut dire même d'autres commissions, je ne sais pas pourquoi on les met en place, ils ne sont plus nécessaires comme celle d'observatoire du génocide ou de quoi. Les gens ne s'en souviennent même plus pourquoi ils viennent faire. Mais question de justice, parce que c'est la justice, la vraie justice, qui réconcilie les gens. Bon, on pourra discuter de quelle instance de l'État, c'est-à-dire le pouvoir judiciaire interne ou une commission vérité-réconciliation d'abord qui fait des enquêtes, mais une bonne vérité-réconciliation telle que promis par l'accord d'Arusha, et non pas une commission, parce que nous craignons que le pouvoir actuel tende à proposer une amnistie générale comme ça. Bon, sinon, comme je l'ai dit, nous avons dans une déclaration proposé, pour que tout le monde soit rassuré, tous les crimes qui se commettent actuellement et dont l'enquête est plus facile à mener, mais qu'ils soient pour, donc que ces procès soient aussi menés contre les auteurs présumés. Ainsi, tout le monde va sentir. J'ai vu des réactions lorsqu'on a émis des mandats ou quand on a arrêté les officiers présumés coupables de la mort du président Dadaï. J'ai suivi des réactions de certains de la communauté Tutsi qui ont commencé à dire, voilà, ce sont tous Tutsi. Mais comment pouvait-il en être autrement? Autrement, à l'époque, l'armée était si faite. Relever un tel fait, là aussi, hein, il faut pouvoir, si vous êtes au pouvoir, faire un équilibre à tout le monde, notamment tout pour ces crimes dont j'ai parlé, qui sont flagrants actuellement. Professeur honorable Évariste Ngaïmenda, sans aborder l'aspect de réconciliation, vous avez toujours voulu que la commission d'enquête fasse son travail, ainsi qu'un tribunal spécial pour juger tous les crimes ignobles, je dirais, qui ont été enregistrés au cours de l'histoire burundaise. Pour que ces deux mécanismes existent, qu'est-ce qu'il faudrait faire actuellement? Est-ce qu'il y a encore temps, il y a encore moyen, ou vous avez perdu espoir? Bon. Je parle du constat que vient de faire mon ami l'honorable Bikoli Ndagara. Quand il parlait de l'opinion Tutsi qui se plaignait du fait que tout ce qui était arrêté des Tutsi, la question n'est vraiment pas celle-là. Bon, si les pressentis, les présumés sont des Tutsi, bon, on ne peut arrêter que des Tutsi. Mais la question, c'est la suivante. Quand est-ce qu'on va arrêter les responsables du massacre à allure génocidaire des Tutsi? Voilà la question. Et ça répondait au souci d'équilibre qu'il vient d'évoquer. Non, ce n'est pas un équilibre à faire, c'est de la justice. C'est de la justice. Deux, quand et qui va arrêter les criminels que l'on connaît aussi de l'autre côté? Est-ce que le CNDD-FDD n'a pas fait de crime? Est-ce qu'il n'a pas fait de crime? Est-ce qu'il n'y a pas de criminels parmi eux? Pourquoi au fait à Arusha, ils avaient confié ces dossiers à la justice transitionnelle? parce qu'on sait que c'est toujours compliqué dans des pays qui sortent de crise, on confie la justice, on confie ces dossiers à la justice internationale, parce que d'abord, il y a parfois des crimes des crimes de génocide, des crimes contre l'humanité qui sont de la compétence internationale, et donc on sollicite l'opération de la communauté internationale. Ensuite, pour éviter justement qu'il n'y ait pas de deux poids, deux mesures, est-ce que, en toute honnêteté, il n'y a pas risque, il n'y a pas déjà un deux poids, deux mesures? Je t'ai dit qu'il y avait déjà des criminels qui avaient été jugés et condamnés et qui purgeaient leur peine. Aujourd'hui, cela coule douce. On va arrêter des présumés, mais on n'interpelle personne de ceux qui étaient déjà jugés et condamnés. Alors, est-ce qu'il est possible, dans ces conditions, de croire réellement à une justice juste? Voilà pourquoi j'ai beaucoup de doutes. Mais pour l'avoir, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faut de nouveau emprunter la voie qu'avait proposée l'accord d'Arusha, parce que les négociateurs d'Arusha n'étaient pas sans ignorer que ce genre de problèmes sont souvent sources de tensions qui ne sont sources de réconciliation. Et c'est pour cela qu'ils avaient pensé à un mécanisme judiciaire international qui se rouillera par rapport aux uns aux autres, par rapport aux Burundais, de quelque obédience politique ou ethnique qu'il soit, était présumé, pouvait être neutre et disposer aussi de l'expertise nécessaire, disons-le aussi. Voilà, c'est la fin de l'émission Mosaïque. Et dans Mosaïque d'aujourd'hui, nous débattions autour de l'impact de la découverte de la vérité de l'assassinat du président Melchior Ndadaye sur le processus de réconciliation au Burundi. Au studio, nous étions avec trois invités. Nous remercions professeur et honorable Évariste Ngaïmenda, historien et homme politique. Merci d'avoir répondu à notre invitation dans Mosaïque. Merci de l'invitation et merci également à nos auditeurs. Nous disons également merci à l'ambassadeur Wachanamo Anatole, chargé de la communication au parti FNL. Et je vous remercie aussi et je remercie aussi les auditeurs. Mais je dois faire une petite rectification en une seconde. C'est qu'il me semble que l'opinion ignore que parmi les mandats d'arrêt qui ont été envoyés, ce n'est pas seulement contre une seule ethnie. Moi, j'en connais dans la liste des personnes et d'autres ethnies. Et je pourrais les citer, mais ce n'est pas nécessaire. C'est seulement sur un dossier. Voilà, je dis également merci à l'honorable Sylvestre Bikolindagara, membre du parti Sawanya Frodebu, formation politique de feu, président Melchior Ndadaye. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Mosaïque. Je vous remercie également. Je remercie mes collègues ici présents et tous ceux qui nous écoutent. À la réalisation de l'émission Mosaïque, Jérôme Nionzima, la technique était assurée par Albert Ndouayo, Pacifique, qui a animé l'émission d'aujourd'hui Mosaïque. Je vous souhaite de continuer de suivre les émissions de la radio Isanganiro. Mosaïque.